Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, platine, papa. Hello, hello, la planète RPL, bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. On l'écoute sur le 99FM dans la grande métropole lilloise, via un récepteur DAB+ pour la radio numérique, via les applications ou encore sur le site en écoute directe, donc c'est le www.rpl.radio. Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h. Auparavant, c'était Tonton Jay, son émission Back to the House. Il sera au rendez-vous samedi prochain dès 6h. Nous sommes partis pour 2h de musique électronique. Ce week-end, c'est le marché de Noël sur Lambersart. Ça se passe à la salle Malraux, c'est près de la poste de Lambersart. RPL sera en direct le samedi et le dimanche de 9h à 19h. On vous y attend nombreux et nombreuses. Donc si t'es au boulot, ben on va te souhaiter bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique.

RPL Radio.

Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. La première heure de Fréquence Club s'achève, j'espère qu'elle vous aura été agréable. Vous retrouverez le podcast sur le site de la radio, c'est le www.rpl.radio. A tout de suite pour la deuxième heure.